Croisé dans moi, en pâté ça, ça quittait Adam. Nous j'ai passé, papy siège chez moi. Les nous toucher, c'est on évidence. Sans vous, en cas, sentis-moi inconscient. C'est fou d'entrer dans moi. Oh, oh, oh, où ça, ça rend bizarre. Oh, oh, parce que c'est vous et moi. Oh, oh, oh, tout pique et jambes et naguées. Oh, en vais les faits. Oh, oh, oh, les matins, pour en passer une belle petite journée. Les nous pas bien, ça qu'a fait moi souffert. Ça en besoin, c'est un seul bitin. Sans vous, en cas, sentis-moi inconscient. Point trop longtemps. Pas chez.